fusion et perte de mémoire. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'être humain qui connaît le processus de la fusion de l'âme avec l'esprit est appelé à vivre des pertes de mémoire, dans le sens que pour qu'il y ait une énergie nouvelle qui entre en lui, celle de l'esprit, eh bien, il doit y avoir de l'énergie ancienne qui parte, c'est-à-dire de l'énergie associée à l'âme, associée aussi au mémoriel. Donc, l'esprit, lorsqu'il pénètre l'individu, il l'amène à modifier son fonctionnement psychique. Donc, au lieu que l'individu fonctionne à partir de mémoires accumulatives au fil du temps, il va être appelé à fonctionner à partir de la vibration de l'esprit, ce qui est très différent. Donc, dans le passé, souvent les gens accumulaient des mémoires, puis des mémoires, puis des mémoires, mais c'est parce qu'à force que l'être humain accumule une grande quantité de mémoires, ça laisse moins de place pour la fluidité de la vibration de l'esprit, ce qui est moins de place pour cette énergie à entrer au sein de l'individu. Il devient de moins en moins possible qu'il connaisse un renouvellement créatif, étant donné que les mémoires vont faire interférence et obstacle à ce dernier. Et pour empêcher ce phénomène d'obstruction progressif de l'individu en tant que canal potentiel de l'énergie de l'esprit, bien, l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déloger toutes les mémoires anciennes au sein de l'individu qui n'ont pas d'utilité pratique, qui ne sont pas nécessairement fonctionnelles dans son existence présente. Donc, autrement dit, si, par exemple, dans le mémoriel qui gravite autour de l'individu, parce que les mémoires sont accumulées dans la structure énergétique qui englobe l'individu, c'est-à-dire l'aura. Donc, il y a beaucoup d'éléments mémoriels, souvent associés à des émotions, des traumatismes, entre autres, du passé, qui peuvent se loger là. Tout ça, éventuellement, ça va être amené à être dissous. Les émotions qui sont là, en relation avec des idées, des formes pensées, ça va être dissous pour qu'il y ait une purification de l'aura, pour que l'aura, éventuellement, devienne transparente, pour permettre à l'ego d'être transparent, pour qu'il y ait une libre circulation de l'énergie qui se fasse. Donc, autrement dit, s'il y a un souvenir, par exemple, quelqu'un qui a perdu, lorsqu'il était jeune, son jouet préféré, son toutou, qui est emmagasiné à un endroit dans l'aura et que ça n'a aucune utilité pratique par rapport à ce que la personne doit vivre dans le moment présent aux yeux de l'esprit, bien, à ce moment-là, cette mémoire va éventuellement être éliminée par l'esprit parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit vise à ce que l'individu voyage d'une manière légère. Parce que s'il y a beaucoup de mémoire, c'est un petit peu comme le cholestérol. Vous avez au sein de l'organisme humain, si au fil du temps, il y a une accumulation de cholestérol qui se fait, ben, c'est quoi qui va arriver? Ça va boucher les artères de l'être humain, ce qui peut amener, entre autres, un incident cardiovasculaire, une crise cardiaque. Donc, ça peut amener des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que si les artères rétrécissent au fil du temps d'un être humain, ben, éventuellement, le sang ne circule plus d'une manière adéquate à travers d'elle, et là, ça occasionne des problèmes de santé graves. Et c'est la même chose par rapport à l'être humain. L'être humain, normalement, devrait être un canal fluide, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'attacher à l'information. Ce qui fait qu'il s'attache à l'information, c'est souvent son insécurité qui est associée au fait qu'il vibre à l'astral, mais quelqu'un qui est bien dans sa peau puis qui est branché à l'énergie de l'esprit, il va être capable de contenir le vide. Et le dépouillement des mémoires du passé est essentiel, dans le sens que l'individu, s'il est capable de se brancher à l'esprit, ce qui équivaut à l'Internet psychique, à ce moment-là, quelqu'un, par exemple, qui est capable d'aller sur le réseau Internet, ça ne sert à rien d'accumuler des milliers et des milliers de données sur son ordinateur. D'ailleurs, l'accumulation d'informations a souvent tendance à amener un appareil à fonctionner au ralenti. Donc, un appareil informatique avec beaucoup de mémoire, par exemple, plusieurs logiciels qui s'ouvrent d'une manière simultanément dessus, lorsqu'on le fait démarrer, ben, il fonctionne au ralenti, il fonctionne moins vite. Il y a moins accès à la mémoire vive parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font simultanément. Donc, c'est la même chose par rapport au mémoriel. Donc, s'il y a beaucoup de mémoriel au sein de l'individu, il y a beaucoup d'entités alentour de l'individu qu'il garde en contact psychique avec des mémoires qui le relient au plan astral. Toutes ces attaches-là énergétiques qui siphonnent son énergie vitale, bien, à ce moment-là, ça l'empêche de fonctionner d'une manière efficace et rapide dans le moment présent. Donc, ça crée une lourdeur énergétique. Cette lourdeur-là aussi se perçoit au sein de l'aura de l'individu, en ce sens que dans la structure énergétique qui entoure l'individu, l'énergie est lourde d'éléments mémoriels, de formes pensées qui vont s'y loger. Et c'est sûr que la transmutation de l'aura, le changement de l'aura, qui est, dans le fond, une des éléments qui se rapporte et la résultante de l'altération de la psyché de l'individu, va faire en sorte qu'il va avoir un dépouillement de toutes les mémoires qui, dans le fond, sont inutiles que l'individu ait à magasiner. Puis si l'individu travaille auprès de l'esprit, puis est en contact, puis est capable de canaliser le matériel de l'esprit, il va avoir accès instantanément à l'information dont il a besoin pour fonctionner dans le quotidien. Donc, c'est sûr que le dépouillement des mémoires, en parler, ça peut occasionner au sein de certains individus une certaine forme de crainte, d'insécurité psychologique. Mais en réalité, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce dépouillement-là se fait dans l'optique que l'individu soit plus fluide pour intégrer plus d'énergie et qu'il soit capable de se renouveler créativement. Donc, le renouveau créatif va apporter beaucoup plus à l'individu que d'avoir des assises par rapport au réel en lien avec des mémoires mortes. Donc, autrement dit, il va faire des gains évolutifs, des gains en termes d'efficacité de fonctionnement psychique. Et c'est sûr que de composer, par exemple, avec le fait que la personne va connaître des mémoires qui sont appelées à disparaître, ça peut amener la personne à réorganiser sa vie. Mais si la personne suit la vibration de l'esprit à travers le processus, puis est capable de faire preuve de discernement, de jugement, il va être capable de réorganiser son existence en conséquence pour avoir une vie qui est agréable. Et c'est sûr que, dans le fond, être plus léger, se dépouiller de mémoire, va faire en sorte que, par exemple, la personne ne vibrera plus, ne se rentrera plus en résonance énergétique avec la nostalgie. Donc, autrement dit, si on fait jouer une chanson à la personne qui est la même chanson qu'elle appréciait lorsqu'elle fréquentait une autre personne ou elle s'est mariée, ben, c'est sûr que si la personne est libre de la mémoire émotionnelle qui se rattache à un événement passé, on peut y faire jouer cette chanson-là. Ça ne fera pas vibrer émotivement parce que l'attache émotionnelle à la chanson a été éliminée de sa structure énergétique. Donc, un dépouillement qui se fait. Et le dépouillement est inévitable parce que si la personne veut monter en vibration, elle doit se dépouiller de toutes les attaches planétaires qui l'empêchent de s'élever psychiquement. Ici, c'est quand on parle d'attache, c'est pas de faire vœu de chasteté ou de dire que la matière n'est pas belle. Non, c'est plutôt un dépouillement par rapport aux mémoires. Donc, l'individu qui se dépouille des mémoires, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de s'entraîner physiquement ou de se promener en nature ou faire du sport. Bien au contraire, il va en faire des différentes activités dont il a besoin pour être en équilibre dans sa vie, mais en expérimentant simultanément un état de vide mental. Le état de vide mental va procurer la capacité à l'individu d'être davantage en contact avec son esprit, son intériorité, parce que, après tout, l'accumulation de formes, de mémoire, c'est comme un voile qui, au fil du temps, et c'est un peu un cercle vicieux, va faire en sorte que plus que de la mémoire qui s'accumule au sein de l'individu, plus que ça devient difficile pour lui de changer, d'évoluer, de se renouveler psychiquement, puis plus que ça devient difficile de capter et d'intercepter la matière. Il y a comme un phénomène d'obstruction, un peu comme les artères d'un système sanguin, donc le système qui sert à permettre au sang de circuler au sein de l'individu, qui se bouge progressivement au fil du temps, puis à un moment donné, ça occasionne des problèmes graves par rapport à la santé. D'ailleurs, l'accumulation de mémoire, dans un certain sens, participe au processus de vieillissement de l'être humain, ne serait-ce qu'au niveau psychique, parce que si l'individu perd la fluidité qu'a, par exemple, l'enfant à intégrer de la nouveauté, à ce moment-là, avec le temps, cette perte va faire en sorte qu'il va être de moins en moins flexible, puis de plus en plus rigide, puis plus il est rigidifié, plus ça devient difficile de changer, plus que ça participe au fait qu'il est rigidifié. Il y a comme un cercle vicieux qui s'installe, dans le sens que les programmes qu'il va emmagasiner au sein de lui, s'il le fait, ça va l'alourdir. D'où le fait que, par exemple, si un individu est libéré de formes pensées liées au passé, ça l'allège. Puis l'esprit va essayer de permettre à l'individu d'avoir, un peu comme quelqu'un qui va respirer en santé, il y a de l'espace pour remplir ses poumons d'oxygène nouvelle, puis pouvoir expulser ce qui ne lui convient pas. Donc, le rapport de la mémoire à l'individu est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui écoute un film, Il vit ce qu'il a à vivre, mais il n'a pas à mémoriser tous les détails du film là, par la suite, parce que sans ça, ça l'alourdit. Puis s'il récite les détails du film, au lieu, par exemple, de canaliser instantanément ce qui émerge en lui, en lien avec un film, il vit des pertes de créativité puis une perte de contact avec l'esprit. Puis moins il est en contact avec l'esprit, moins il accède à la vitalité. Et plus qu'il s'alourdit, puis plus qu'il est en contact avec de l'astral, et moins il peut se renouveler, parce qu'en réalité, les mémoires ne donnent pas accès à un renouvellement psychique de l'individu. Ça fait tout simplement répéter ce qui était déjà là dans le passé. Puis plus que l'individu répète, plus qu'à ce moment-là, il connaît un état de stagnation psychique. Et s'il connaît un état de stagnation psychique et il ne se renouvelle pas, bien, tôt ou tard, ça devient difficile pour lui de fonctionner en société, étant donné que les plus jeunes personnes de la société sont plus ouvertes aux nouvelles idées, étant donné qu'ils ont peu de mémoire d'âme par rapport à la réincarnation présente. Et à ce moment-là, ça crée un décalage entre les différents individus de différents âges, de différentes générations. Alors que si les êtres humains étaient capables de rester en contact avec l'esprit, puis avoir peu de mémoire dans leur psyché, être peu attachés à la mémoire au niveau égoïque, ben à ce moment-là, qu'une personne ait 70 ans, qu'en ait 4 ans ou qu'en ait 20, la personne serait capable de se brancher à la conscience universelle. Et s'il y a plusieurs personnes qui peuvent simultanément fonctionner au-delà de la mémoire à partir de la conscience universelle, qui sont capables de canaliser en même temps, ben, ça fait des gens sur la même longueur d'onde et qui peuvent parler et travailler en concertation entre eux. Donc, ça devient à ce moment-là intéressant pour eux d'avoir ce fonctionnement parce que ça leur permet un réseautage en relation avec leur esprit réciproque s'ils ont à faire un travail à faire et d'une manière ensemble et d'une manière simultanée.